Eh bien, me dit-il, mon enfant, vous voyez le premier grand mystère de cet enclos, sur lequel on chuchote tant de fables dans le village. Un homme lassé des hommes, deux amis atteints du même dégoût de l'existence que lui, un chien, une chèvre, un arbre, un livre, voilà tous les mots de l'énigme. Puissiez-vous ne la comprendre jamais par vous-même ? Je balbutiais timidement quelques vagues paroles d'excuses sur l'étourderie de mon chien et sur mon indiscrétion involontaire, et je me préparais à me retirer. Mais son chien, lassé de sa solitude et qui jouait déjà avec le mien dans les hautes mauves, prolongeait accidentellement ma présence dans le jardin. « Non, non, » me dit alors le vieillard, avec un sourire gracieux qui ne lui était pas naturel. « Ne craignez pas de rester quelques minutes de plus dans ce lieu suspect. Ce n'est pas contre des enfants comme vous que ce mur a été élevé au-dessus de la portée du regard des hommes, et que ces fenêtres et cette porte se sont fermées. C'est contre les hommes curieux, calomniateurs ou méchants, qui vous persécutent quand vous habitez au milieu d'eux et qui vous haïssent quand vous vous retirez de leur société. Montez avec moi, mon enfant, » continua-t-il en me prenant par la main, « et venez voir par vous-même combien il faut peu d'espace et peu de richesse à un homme sage pour être heureux. »